Hey vieux frère, dis-moi sans connaître. Bas la vie qu'a fuyant les nous. Hey vieux frère, va nous mettre à toutes. Bas des mains nous qui moulent longtemps. Faut nous laisser en détresse. À mon œuvre, nous j'a bien porté. J'en m'ai cherché pour réponse. Basse réponse, c'est malé à question. Bissi m'est ignoré encore. Basse qu'on n'est pas v'lé dit avant. Faut pas nous oublier, sourire. Et on gon valait à la vie. On oublie les mauvais. C'est yo qui besoin apprendre à aimer. L'envoie nous toutes qui ensemble. Belle bite, kaye vini qu'on canne. Pour nous avancer, pas oublier.